On s'est rencontrés dans la cité, un pote à moi nous a présenté. Je l'avais croisé près de la forêt, et quand je l'ai vu dans la soirée, j'ai voulu d'elle jusqu'à la fin de ma vie. Tu seras toujours là si je me prends la tête. J'espère que personne te connaît, qu'on t'a pas utilisé. Partout je t'emmène, t'es ma collabo. Et quand je monte en caisse, t'es toujours à bord. Et s'ils viennent me chercher, je sais que tu seras près de moi. Faire du bruit c'est pas la peine. Si tu t'en rayes, on se prend la tête. Si tu t'en rayes, on se prend la tête. Toi et moi, les ennemis disent on fait la paix. Toi et moi, ouais. Tu peux garder tous mes secrets, t'es ma collabo. Te toucher me donne confiance en moi, t'es ma collabo. Pour moi tu peux enlever tes vies, t'es ma collabo. Personne n'est plus fidèle que toi, t'es ma collabo. Comme un chargeur rempli de balles dans mon dos. Tu es comme mon gilet pare-balles, t'es ma truc, tu n'aimes pas les mots. Tu ne veux pas les voir ou laisser parler dans mon dos. Tu m'as dit coro, c'est des flocos. Laisse-moi m'exprimer, je ferai régner la paix. Je peux pas t'abandonner, ces jaloux vont vouloir ta mort. Et je pense à toi toute la journée, je veux être près de ton corps. J'ai fait plein d'efforts, je reconnais mes torts. Prends-moi comme je suis, tu seras pas déçu. Depuis la musique, j'ai plus trop le temps, ouais. Mais je t'ai pas oublié, du mal à te voir. Je veux pas que tu crois que je t'ai oublié. Depuis la musique, les envies ont augmenté. Mais je t'ai pas oublié, les problèmes sont passés. Mais je t'ai pas informé, donc c'est la guerre. Tu peux garder tous mes secrets, t'es ma collabo. Te toucher me donne confiance en moi, t'es ma collabo. Pour moi tu fais enlever des vies, t'es ma collabo. Personne n'est plus fidèle.